Je vous montre des objets, c'est à vous de me montrer où ils sont placés. Mais avant de discuter ou d'entrer, à quoi discuter ou dire babler mahé. Mais avant de discuter ou d'entrer, à quoi discuter ou dire babler mahé. Montrez-moi où est l'enveloppe. Discuter ou dire babler ma argo loliseur. Discuter ou dire babler ma argo loliseur. Montrez-moi où est la clé. Discuter ou dire babler ma en aoul. Discuter ou dire babler ma en aoul. Montrez-moi où est le rasoir. Discuter ou dire babler ma au rasoir. Discuter ou dire babler ma au rasoir. Montrez-moi où est le verre. Discuter ou dire babler ma au verre. Discuter ou dire babler ma au verre. Montrez-moi où est le crayon. Discuter ou dire babler ma grain. Discuter ou dire babler ma grain. Montrez-moi où est le téléphone. Discuter ou dire babler ma palgomza. Discuter ou dire babler ma palgomza. Montrez-moi où est la montre. Discuter ou dire babler ma norio. Discuter ou dire babler ma norio. Montrez-moi où sont les ciseaux. Discuter ou dire babler ma gigel. Discuter ou dire babler ma gigel. Montrez-moi où est le peigne. Discuter ou dire babler ma bronze. Discuter ou dire babler ma bronze. Montrez-moi où sont les lunettes. Discuter ou dire babler ma orlinedou. Discuter ou dire babler ma orlinedou.